Cherche la concurrence comme Pépé. À propos de l'essence comme BPS, au kaki dans le crâne, cerveau comme Pépé. Tout seul, devant le mic. Quand je réponds direct, je me multiplie. Congo pile sur le multipiste. Je suis connecté comme une multiprise. L'un dans les veines comme Dilo, j'ai un sap comme stylo. L'un dans mon verre comme Pimo, j'ai la frappe comme Timo. Pétasse, Godé, Alpraz. Je marche comme si j'ai un problème à la jambe. 6-7, complot. SO la société, SO à l'agence. Gros somme, CFA. Dans les liasses que des 10 000. Alphonse, Malfonce, j'arrive plus explosé que 10 000. Shenzhen et qui est le goat, négro, j'ai des réflexes de boat. Je pouvais tirer, mais j'ai dribblé le goal. J'ai les mêmes potions que les druides qui venaient de Gaulle. 6-7, self-made, on va le faire avec ou sans la bête. Laopac, Cali, génétique cultivée dans la baie. Le fond, fénère, mes gros plaintes comme si j'ai un jetpack. Je les blesse, à distance, sur la prod précis comme un stretch 4. 6-7, self-made, on va le faire avec ou sans la bête. Laopac, Cali, génétique cultivée dans la baie. Le fond, fénère, mes gros plaintes comme si j'ai un jetpack. Je les blesse, à distance, sur la prod précis comme un stretch 4. Ces négros sont faits comme les échelles, loin du rap français comme si j'habite les Seychelles. Ils savent pas je suis à quel level de l'éveil. Je pense à mon argent dès que je me réveille. Je découpe les prods depuis que je suis mineur. Chaque jour dans les profondeurs comme si je suis mineur. Corleone, Carmelo chez les nuggets. On les graille en bas, c'est des nuggets. Faut que je pèse comme si je joue chez les galaxies. 6-7 comme les trous noirs dans les galaxies. La menace fantôme dans ton téléphone, il prend feu direct comme les premiers galaxies. Je regarde le jeu, je vois que des moi-même en miniature. Un dé, blindé, 100 000 euros sans signature. Trop. Au-dessus d'eux, négro au loin, je les vois plus. Gros terre, sur gros terre, depuis que je m'allume, j'ai fumé au moins un poids plume. Construis des sens que les V12, par semaine je m'allume des 28 et des 12. Sur les prods comme si j'étais 12, en bas je découpe des 16, des 8 et des 12. Équipe 6-7, self-made, on va le faire avec ou sans label. Laopac, Cali, génétique cultivée dans la baie. Le fond, fénère, mes grosses plaintes comme si j'ai un jetpack. Je les blesse, à distance, sur la prod précis comme un stretch 4. 6-7, self-made, on va